¡Oasa! ¡Yeah! L'international Samangwana vous parle depuis Paris. Yeah! Malheureux imitateur. Aïe aïe aïe maman la gueule. Yeah! I love you Maria, t'es beau, t'es beau là. I love you Maria, t'es beau, t'es beau là. Tebola, tebola, tebola, give me your love, oh tebola, Maria tebola, tebola, oh darling. I love you, Maria tebola, tebola. I love you, Maria tebola, tebola, tebola, tebola, tebola, tebola, give me your love, oh tebola, Maria tebola, tebola, oh darling. Sokina banzi Maria tebo tebola na landi Maria na Paris tebola Maria tebo tebola soki pona mbongo na kopesa Maria eh. I love you Maria tebo tebola I love you Maria tebo tebola tebo tebola tebo tebola. Maria tebo tebola o darling. Tu dis que tu moyens. Voilà toi, voilà un fait. Tu n'as qu'à moyen, mais là on va voir. Yeah. Charles même de façon il compta ça. Il voyait l'homme. I love you Maria, t'es beau, t'es beau là. I love you Maria, t'es beau, t'es beau là. T'es beau, t'es beau là. Tebola, give me your love, oh Tebola, Maria tebola, tebola, oh darling. Sokina banzi Maria, tebola, Sokina banzi Maria, tebola, na landi Maria, na Paris tebola, Martini tebola, Maria tebola, soki pona mbongo na kopesa Maria eh. I love you Maria, tebo, tebola, tebo, tebola, tebo, tebola, give me your love, oh tebola, Maria, tebo, tebola, oh darling. Ça va chauffer, hein. À tous les mélomanes du Cameroun, oh bonjour. Et sans oublier Mami Dolé, à Yaoundé bien sûr. We'll be right back. tebo tebola, tebo tebola, tebo tebola. Give me your love, oh tebola, Maria tebo tebola, oh darling. I love you, Maria tebo tebola. I love you, Maria tebo tebola, tebo tebola, tebo tebola. Give me your love, oh tebola. Maria tebo tebola, oh darling. Sokina banzi Maria tebo tebola. Nalandi o Maria tebo tebola. Nalandi Maria. La Paris tebola. Maria tebo tebola. Samuna mboko moni nonge Maria e. I love you, Maria, tebo, tebola. I love you, Maria, tebo, tebola. Tebo, tebola. Tebo, tebola. Give me your love, oh, tebola. Maria, tebo, tebola, oh, darling. Notre voiture à Toulouse. Yeah! Giringir, mon frère. Et alors, Michael, ça ne va pas ? n'as pas dit que tu m'aimes. Tu n'as qu'à peur, mais là on va voir. De toute façon, il compte à Jovi, Jovi, celui-là. Maria, te bola, te bola, oh.